il fait sombre, humide et serré. L'oiseau Martine est bien décidé à ne pas rester dans le ventre du loup. L'oiseau Martine est bien décidé à ne pas rester dans le ventre du loup. Elle va se mettre à griffer, à lacérer, à piquer le ventre du loup. Ce loup coulu il a avalé d'un seul coup, sans la poivrer, il a salé, il a poilé. Ce loup coulu, il a avalé d'un seul coup, il aura voulu. L'oiseau Martine est bien décidé à ne pas rester dans le ventre du loup. L'oiseau Martine est bien décidé à ne pas rester dans le ventre du loup. Piqué, déchiré.